Le comité central du Parti du Travail de Corée a adressé un message de félicitations aux pêcheurs, techniciens et cadres de l'entreprise halieutique Taegyeong de Nampo qui pêche beaucoup de poissons dans la campagne de 200 jours avec l'esprit de se renforcer soi-même. La cérémonie de remise s'est déroulée le 21 courant sur place en présence des cadres intéressés et du personnel. Le message apprécie haut tous les pêcheurs, techniciens et cadres de l'entreprise qui remportent des succès remarquables dans l'application des idées et de la politique du parti avec l'esprit révolutionnaire du Bektou et l'esprit de se renforcer soi-même en arborant les fanions de pêche abondantes dans les pêcheries de la mer de l'Ouest.